C'est un soir de Noël et Sarah, la trentaine, se rend au repas organisé par sa famille. Parmi la trentaine de cousins, de cousines, de neveux, de nièces et de grands-parents, Sarah va passer la soirée en bout de table, entourée de ses oncles et de ses tantes, Nicole, Serge, Françoise et Michel. Mais cette année, Sarah a décidé d'utiliser de nouvelles stratégies pour contrer les idées réactionnaires et les blagues puantes. Bref, le temps d'une soirée, Sarah va tenter de survivre en milieu familial sur des sujets hostiles. Ah, salut, elle arrive, comment ça va? Bonjour, salut Sarah. Bonjour, ça va, ça fait longtemps? Ça fait un an. Ouais, c'est ça, vraiment. Salut, au moins. Bon, t'as grandi? Bonsoir. Ça va, Sarah? Super, je suis hyper contente. Bonsoir. C'est bien ce petit truc là, tu t'es mis, c'est pas mal, hein? Mais ouais, tu vois, j'ai. Ouais, t'as pas changé, hein? J'ai fait un petit effort, c'est le soir de Noël. Je vois que vous êtes pas mal non plus. Merci. Bon alors, ça bosse en ce moment? Je savais qu'elle allait venir me chercher là-dessus. Comment lui dire que le travail salarié, je le dégueule et que moi j'ai fait le choix de pas être aliénée au travail? Non, je peux pas lui dire que j'ouvre des squats, que je fais des manifs de soutien aux migrants et que je passe mon temps à militer dans des assos. C'est grillé, ça fait 5 minutes que je suis là, ça passera pas. Est-ce que... Ouais, ou je pourrais lui dire qu'avec mon nouveau diplôme, j'ai passé plein d'entretiens d'embauche et que j'attends une réponse, que je suis hyper en confiance. Oh non, elle va me passer plein de coups de fil, elle va demander à ma mère de mes nouvelles, ça marche pas non plus. Du coup, ça bosse, oui. Ça bosse, bah écoute, comme plein de gens. De temps en temps, à droite, à gauche. Tu fais quoi? Tu vois bien, quoi, c'est pas évident. Je trouve des petits boulots, voilà. Mais du coup, tu me poses cette question-là parce que tu t'inquiètes pour ta retraite? Non, pas du tout. Hein. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, donc ça devrait aller. Hein. C'est plus pour toi que je m'inquiète. Bon, tu sais, moi, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de m'inquiéter, hein, au vu de la situation. Mais d'ailleurs, t'es sûr de pouvoir partir en retraite, là? Ça fait pas... 2 ans que t'aurais dû déjà prendre ta retraite? Ouais, mais tu sais, moi, le travail, c'est toute ma vie. Hein. Et c'est vraiment important. Au moins, je me sens utile. Ah, c'est vrai que les petits boulots, c'est quand même pas facile. Ça doit pas être évident de trouver plein de petits boulots comme ça. Comment tu fais? Bah, tu sais, j'ai vadrouillé partout en France, tu vois. Au final, tu rencontres du monde, t'as des réseaux, et puis de fil en aiguille. Ouais, tranquille. Voilà. La solidarité, le soutien. Voilà. Ça, moi, j'aimerais bien faire ça quand je serai à la retraite, par exemple, ce genre de trucs. J'aimerais bien voyager, tout ça, mais alors. C'est vrai qu'à la retraite, ça va être compliqué, là, je crois. Je sais pas comment ça va se passer, parce que moi, par exemple, je vois, j'ai pas tous mes semestres, hein, là, tu vois, par exemple. C'est galère, un peu, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ah ben oui, puis avec les élections du mois de mai, dis donc, peut-être ça risque de bouger encore. Bah tu m'en parles pas, parce que j'ai vu les programmes, c'est une catastrophe, hein, non, mais c'est vrai, c'est inquiétant quand même. Mais la retraite, c'est vrai. Puis imagine pour Sarah, c'est aussi difficile parce qu'avec tous les petits boulots que tu fais comme ça, ouais. Bah, tu vas jamais avoir tes trimestres pour cotiser. T'as calculé ou pas tes trimestres? Parce que moi, je les avais calculés, c'est hyper compliqué. Tu les as calculés toi ou pas encore? Tu sais un peu où t'en es ou non? Moi, tu sais, la question des calculs, ça a jamais trop été mon truc. Et je crois que là, je suis sûre. Je fais confiance à la vie. Voilà, je fais confiance, j'avance. Je travaille de temps en temps, je me débrouille, je vis bien, je suis très heureuse. Et puis, bah écoute, ma foi, on verra d'ici une trentaine d'années. Mmh. Voilà, je mise sur la solidarité. Mais t'as bien raison, ma petite Sarah. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie. Toi, tes petits boulots, par exemple, tu les fais dans quelle branche? T'as bien un secteur d'activité. Ce qui compte, c'est d'être dans les choses qui nous intéressent. Bah, tu sais, moi, ça a toujours été mon truc, quoi. L'animation, l'éducation populaire. Mais ça, je crois que ça rapporte pas beaucoup de points pour la retraite, ça, genre de truc, non? Comment ça marche? Alors, effectivement, c'est pas les boulots dans lesquels on est le plus payé, mais alors humainement, c'est super. Non, quand je vois des personnes qui triment à l'usine, qui font des boulots qui leur plaisent pas. Aujourd'hui, pour les jeunes, tu sais que c'est... Ah ouais, pour les jeunes, c'est la galère. C'est difficile de trouver du travail. Et puis, comment tu fais pour trouver tes petits boulots là? Tu connais des gens qui t'embauchent? Comment tu vas les voir directement? T'envoies des CV, c'est ça, non? Parce qu'en maintenant, il faut. Est-ce que tu regardes sur le West of France? Parce que moi, il y a des offres, hein, j'en vois toutes les semaines. Ah oui, je suis très active. Regardez, le site de Pôle emploi, Ouest France, Le Bon Coin. Non, on sous-estime les outils internet, mais il y a des offres à profusion. Après, effectivement, il faut faire bonne figure, faut soigner du coup sa manière de parler, et puis ça va quoi. Ça va. Ah bah, tu trouves facilement alors ? Assez facilement, oui, je m'en sors. Ah bah, c'est bien, c'est bien que tu arrives à t'en sortir. Je m'en sors, je vais hyper bien, mais bon, maman a dû vous raconter, non ? Non, bah tu sais, ta mère, elle ne raconte pas trop ton travail, et puis voilà, c'est jamais trop nous dire si tu travailles ou si tu travailles pas, puis ce que tu fais. Ouais. C'est pas facile, quoi, de savoir, de suivre un peu. Hein. On a du mal à suivre, hein, c'est vrai que tu cours un peu partout. Pas facile de savoir ce que tu deviens. Puis on ne voit pas souvent non plus, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. Tu passer plus par une part, on ne peut bon, pas se prendre l'apéritif. Oui, mais tu sais, ça c'est... C'est les questions de mobilité. Voilà, il faut être mobile hein, si on veut arriver à travailler. Du coup, effectivement, je bouge beaucoup, je rencontre beaucoup de monde. Bah, si tu ne travailles pas beaucoup, ce qui est bien, par contre, c'est que tu as le temps. Tu as le temps de venir nous voir. Et bien, tu vois, voilà, exactement. Ça, c'est vrai, ça. Hein? Et puis, c'est important d'avoir du temps, hein, c'est vrai. Ben oui, puis vous, vu l'âge que vous avez, vous allez tous et toutes en avoir bientôt du temps. Ça va être bien, ça, la retraite. Bah oui, moi, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Hein. J'ai travaillé toute ma vie, là, j'ai envie de m'arrêter. Mais je comprends tellement. Quand on a bien travaillé longtemps, bah on a quand même mérité ce droit de, voilà, de toucher sa retraite et puis d'être enfin peinard. Bon, ça c'est fait. J'en ai mis plusieurs dans ma poche, début de soirée tranquille. Jusque-là, tout va bien. Bon, il y a un moment où ça va moins bien, c'est quand t'as le tonton relou qui commence à venir te titiller sur des questions politiques et qui tient un vieux discours réac de droite. Non mais est-ce que c'est bien facile là ce que tu dis là de... profiter, en voyage, tout ça, mais à un moment, qui c'est qui paye pour toi, hein ? Bah, qui c'est qui paye pour moi ? Moi, je me dis, tu vois, que collectivement, tu vois, on peut essayer de faire des choses ensemble, et que j'ai l'impression que, contrairement à toi, sans vouloir te froisser, j'essaye de réfléchir un petit peu à qui sont les gens autour de moi, et tu vois, par exemple, si... Toi, ton travail qui te tient tant à cœur, tu décidais de le partager. Peut-être on se poserait moins la question de qui paye, non ? Et qui c'est qui... Alors quand tu me dis là que toi tu penses aux gens qui sont autour de toi, qui c'est qui a nourri toute sa famille, toute la vie, hein ? C'est moi. En gros, tu peux le dire tranquillement, hein. Toi, t'as pas envie de travailler. Et voilà, ça te va de profiter du système. De toute façon, la France est vraiment un pays d'assistés. Hein. Moi, je trouve ça vraiment lamentable. Et ça nous parle de solidarité, c'est ça. C'est terrible, quoi. Je suis tellement d'accord avec toi sur le fait que c'est lamentable. Mais tu vois, quand tu me parles de pays d'assistés, j'ai l'impression que toi, tu fais partie de ces gens qui focalisent sur la question des aides sociales et pas tellement sur la question de, tu sais, l'évasion fiscale. Toi, tu dois connaître, vu le nombre de banques dans lesquelles tu déposes de l'argent. Ça te parle ? Ah, mais moi, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir de l'argent. Alors que toi... T'as jamais travaillé. Alors en parlant d'argent, on a les couverts en argent de la grand-mère. Si on peut passer à table, ça serait pas mal parce que là, ça va être prêt. Hein. Ouais, ok. On en rediscute autour d'un petit verre. Voilà, on fait ça. Allez, on mange à table. Bon alors Nicole, t'as prévu quoi pour tes vacances ? Écoute, je sais pas encore, mais je crois que j'aimerais bien faire un petit voyage. Ah ouais, tu veux partir où ? Ouais, je me suis dit que, voilà, j'avais pas trop voyagé jusqu'à présent, et là j'ai envie de faire un grand voyage, j'aimerais bien prendre l'avion en fait. Ah ouais ? Ouais, donc je sais pas encore, mais voilà, peut-être en Espagne, ou au Baléares, ou un truc comme ça, quoi. Ah bah super, de Nantes à l'Atlantique, tu sais qu'il y a des lignes directes pour l'Espagne. Bah oui, c'est pour ça, je voudrais un truc pas trop compliqué, je peux prendre l'avion d'ici, quoi, quelque chose... Ah, c'est sûr que c'est... Ouais, pour l'instant il y a quelques lignes directes, mais ce sera vraiment mieux quand enfin cet aéroport il sera fait, quoi. Parce oui. Que, là tu pourras partir hop direct, un gros voyage. Notre-Dame de l'Orne, là on est juste à côté. Hein, bah oui, tu peux dormir ici. Enfin bon, mais... il l'est pas fait, hein, franchement, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Mais... Oui, mais bon, ça va se faire. Oui. Ça va se faire, c'est juste le temps que bon, les choses s'enclenchent, quoi. Mais bah, c'est bien parti, hein. Allez, c'est parti, il lance le sujet de l'aéroport. Bon, ça va me faire vriller, faut que j'arrive à rester calme. C'est hors de question du coup que je les laisse raconter des conneries. Il faut qu'à un moment je puisse parler de mes arguments. Il faut que je pense à deux trucs. Premier truc, ma famille est pro-aéroport. il faut que j'arrive à me la jouer victime. Ouais, c'est ça. Il faut que j'arrive à faire la victime pour qu'ils prennent le temps de m'écouter. Et je sais très bien que ça va partir dans tous les sens, qu'ils vont tout mélanger, l'aéroport, la ZAD, les casseurs, les manifs. Faut que je recadre, faut que je garde le cap, je joue la victime et je recadre. Allez, c'est parti. Parce que ouais, à Notre-Dame-des-Landes, nous, c'est vrai qu'on attend ça quand même depuis un moment, là. On aimerait bien que ça se fasse. Bah oui, oui. Mais comme tout le monde, en fait. Hein. Bah comme tout le monde, ouais. Bah oui. Puis tout, c'est un beau projet quand même pour la région. Ouais. C'est quand même le sens qu'il se fasse ici et puis qu'il se fasse pas ailleurs. Il aurait pu se faire en Bretagne ou... C'est 30 000 emplois. Hein, ouais. Oui, ah, ça dépend de quel angle on se place. Ah bah si, c'est... Ah bah ça, c'est... Ah bah ça les emplois, c'est... J'ai vu ça sur TF1, une fois, c'était... Il le disait, 30 000 emplois. Et toi, t'es contre les emplois, quoi, c'est ça. Mais non, en plus, bah, toi qui cherches des petits boulots, ce sera super, tu pourras bosser à l'aéroport. Il y en a plein qui vont aller travailler. Bah, il y a plein de jeunes qui vont être... C'est une opportunité incroyable, hein, c'est vrai. Écoute, tonton, très franchement, j'aimerais bien pouvoir te répondre. Je suis juste pas sûre que toi et même vous, en fait, vous me laissiez m'exprimer, du coup, je botte en touche. Tout de suite, comme si on t'écoutait pas. Ça, c'est facile. Ouais, de manière régulière, politiquement, on n'est quand même pas d'accord. Du coup, sur cette question-là, je crois que... Oh, d'accord, bah, peut-être. On peut discuter, ça va. Moi, je donne pas mon avis si vous me laissez pas prendre la parole. On a le droit de pas être d'accord, c'est pas grave. Oui, puis globalement, on est quand même plus ou moins d'accord. Enfin, je veux dire, c'est une petite différence après de point de vue. Oui, genre, voilà, c'est normal. On n'est pas tous pareil. Bon, alors vous savez quoi ? Si vous êtes d'accord de m'écouter, moi je veux bien répondre. Non, je pense qu'on n'est pas tous d'accord et que moi le projet d'aéroport, je pense que c'est un gros projet inutile et qui n'a pas du tout sa place là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quand même au courant qu'il y a déjà un autre aéroport à Nantes ? Vous êtes au courant de ce truc-là ? Bah oui, mais il est saturé, attends. Voilà. Ah, et puis bah merci, hein, le bruit, hein, t'as pas tes vives là-bas, toi, à Bouguenay, hein, je peux te le dire, moi je connais des gens là-bas. Le bruit, c'est quelque chose... Ils n'arrivent pas à dormir le soir. Hein. Peut-être je veux bien revenir sur la question, là, sur ce que tu disais, la question de la saturation de l'aéroport. L'aéroport n'est pas du tout saturé. Il est utilisé, à 40%, à peu près. Il fait la taille de l'aéroport de Genève. Il est sous-utilisé. Et en fait, il y a plein de possibilités pour optimiser, du coup, les départs et les arrivées dans cet aéroport-là. Et la question de l'emploi, hein, quand même, de développement... Voilà, c'est quand même un beau projet, comme on disait, ça va créer de l'emploi. Et aujourd'hui, on en a parlé en début de soirée, c'est quand même le problème principal. Mais regarde la question de l'emploi. Si on décidait, par exemple, d'optimiser l'aéroport, de l'agrandir autrement, de amener les lignes de tram qui partent de Nantes jusqu'à l'aéroport, ben voilà, si tu veux que ça crée de l'emploi, ça, il y en aura. Et puis, il y a un moment, tonton, on va pas se voiler la face. Je crois que c'est qui les personnes qui vont aller bosser sur ce projet d'aéroport ? C'est les potes de potes du pote des copains de Vinci, en fait. C'est des gens qui vont être placés là. Et c'est pas toi et c'est pas moi. Sarah, moi j'ai quand même vu, je pense quand même que ça coûterait beaucoup plus cher ce que tu proposes que de faire l'aéroport. Enfin, il y a des chiffres en tête. Les contrats sont déjà signés. En plus, enfin, qu'est-ce que... Oui, puis là, le problème, de toute façon, c'est sûr, c'est un bon projet. Enfin, je veux dire, tout le monde a voté pour, enfin, la majorité des gens, quasiment tout le monde. Enfin, il faut juste virer les gens qui habitent là-bas. Enfin, je veux dire, les gens qui occupent... pas les paysans, ils sont pas virés. On leur a donné de l'argent pour qu'ils partent, pour qu'ils s'installent ailleurs. Alors là, moi, c'est très bien. Voilà, là, c'est le moment où je veux bien continuer de prendre la parole. Françoise, pour te répondre. La question des chiffres qui sont déjà tombés ou pas, en fait, toi et moi, on n'a pas les mêmes, parce que déjà, on n'utilise pas les mêmes sources d'informations. De fait, moi, mes informations, je ne vais pas les chercher sur TF1. Je veux bien que tu me laisses terminer, juste. Et je pense que tes chiffres, ils sont globalement faussés. Moi, je n'ai pas les mêmes. Du coup, à partir de là, oui, ça, déjà, ça marche pas. C'est toi qui as raison. Enfin, attends, TF1, France 2, France 3, tous les grands médias. Enfin, si c'est des grands médias, c'est bien parce qu'ils sont bons. Même Ouest France, hein. Bah, Ouest France, et alors, si on dit Ouest France, c'est quand même le plus grand journal régional quotidien. Quoi. Enfin... Ouais, là, peut-être, on part sur autre chose. On va revenir sur notre question d'aéroport. Voilà. Oui, effectivement, il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a déjà un aéroport qui existe. C'est d'une inutilité profonde. Oui, il y a des gens qui vivent là-bas. Effectivement, il y a des gens qui sont déjà partis. Parce que je pense que globalement, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le choix. Et qu'effectivement, ils sont partis faire autre chose. Il y a encore des gens. Voilà, qui sont contre ce projet et qui résistent, et ben en fait, bah oui, c'est ça qu'il faut faire, on va continuer quoi. Ah ouais, parce que toi tu fais partie des gens qui cassent tout là, en ville, à Nantes, qui vivent dans des cabanes, c'est ça là ? C'est ça que tu veux pour la société de demain ? Non mais c'est n'importe quoi. Ah bah c'est parfait, voilà, je m'y attendais, on part sur un autre sujet, les casseurs, les manifs. Non non, moi je veux bien qu'on reste sur la question de l'aéroport là, parce que c'est là-dessus que vous êtes parti au début, non? Bah, on parlait de voyage. Oui, on parlait voilà. plutôt de voyage, hein, on parlait des vacances, d'ailleurs c'était ça hein, qu'on disait. Bah oui, parce que Nicole, vrai. Tu nous racontais là, tu vas partir en Espagne. Oh, tu sais, moi l'aéroport, peu importe. Hein, je... Oui, il se fera pas. Mais on sait pas, il fait merde. C'est pas une bonne décision de toute façon. Bon. De toute façon, j'ai l'impression que même si vous êtes quatre, au bout d'un moment, là, vous allez être à court d'arguments. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse le temps de réfléchir. Non, on a plein des arguments. On va se laisser le temps de réfléchir et on aura d'autres moments dans la soirée pour en discuter. Moi, je vais fumer une clope. Ça va. Bon, c'était pas gagné. C'est hyper compliqué. De toute façon, quand t'es toute seule au milieu de plein de gens, c'est trop dur. Faut que j'arrive à aller discuter avec des gens individuellement et que à deux, ça va être quand même vachement plus facile du coup de poser mes arguments. Bon, vas-y, déjà, ce que je vais commencer par faire, je vais aller croiser Nicole et je vais lui proposer un truc. Tata ? Oui, ma petite Sarah. D'ivoire, je voulais te... Tout à l'heure, là, dans la discussion, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à des moments, du coup, peut-être t'aurais pu être d'accord avec moi sur des choses, même si j'ai l'impression que t'es d'accord avec d'autres arguments. Mais moi, je crois que j'aurais bien envie de continuer à en discuter avec toi. Est-ce que ça te va si demain, je passe boire un petit café et puis qu'on en discute à tête reposée? Mais tu passes quand tu veux, ma petite Sarah. T'es la bienvenue pour un café, pour venir manger si t'as envie de venir manger, et puis on parle de ce que t'as envie de parler, y a pas de problème. Là, on s'emporte, y a plein de monde, on a bu, c'est pas facile d'échanger, mais tu peux me dire ce que tu penses, je t'écouterai, y a pas de problème. Ok, et eh ben rendez-vous demain, on parlera de aussi toi ce que t'as envie, et on reviendra sur le sujet de l'aéroport. Ok. Bon bah va chercher le vin rouge. Va fumer une cigarette, moi je vais chercher ton vin rouge préféré, Sarah, je suis sûre que ça va te faire plaisir. Ça me fait déjà plaisir. Et puis on parle des vacances un peu là, parce qu'il fait gris, fait froid, hein, alors les vacances au soleil. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit. Oui, c'est Julien, on a eu des nouvelles ou pas de Julien? Parce qu'il devait venir normalement. Oui, mais je crois qu'il pouvait pas venir ce soir parce qu'il travaillait. Ou alors il faisait le repas de Noël chez sa copine. Je me rappelle plus ce qu'a m'a dit sa mère. Ouais, chez son copain. Bon. Moi, je me suis toujours posé des questions un peu hein, sur Julien quand même. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais pourtant, avec les copains, on partage que le pain, hein. Alors qu'avec les copines. Oh. Quand même, oh. Bon, elle est bien. Elle est fine, elle est fine. Elle est bien quand même, avec les copains, on partage le pain. Faut rigoler, mais moi j'ai une collègue de travail. Elle vient d'apprendre que son fils est homosexuel. Bah, je peux vous dire qu'elle rigole pas du tout. C'est vraiment difficile, hein. Là, elle sait plus quoi faire. Non, ça m'étonne pas. Hein. Ah bah, c'est pas facile à gérer, je pense. Ah bah, c'est pas beau que ça arrive, rien. Puis elle a honte. Elle n'ose pas le dire. Ah ouais? Ah bah oui. Tu dois être assez proche. Même, oui, oui, bah, moi je l'ai appris par hasard. Mais... Alors là, c'est hyper dur. Bon, alors là, il y a deux solutions. La blague dégueulasse, soit je pars dessus, soit c'est parti, quoi. On part sur le sujet de fond. Homophobie, sexisme. Je crois que je vais plutôt essayer d'aller sur le terrain de la famille et de faire jouer les sentiments, quoi. Parce que de toute façon, je vais me faire aligner. Mais dis donc, Nicole, là par rapport à ta réflexion. Par rapport à Julien, un copain, une copine, et si toi c'était de tes enfants qu'on parlait, l'important ça serait qu'ils soient heureux dans ce qu'ils vivent ou qu'ils aient un copain ou une copine? Bon, moi tu sais, Valérie, elle est très bien avec Mathieu, puis ça fait des années qu'ils sont ensemble. Enfin, je veux dire, j'ai pas de soucis à me faire avec ça, je suis très heureux. Ils sont bien en ménage, c'est vrai que c'est le plus important, t'as raison, c'est ça qui compte. Hein. C'est le plus important, ouais. Et du coup, si là autour de la table. Je vous pose la question très franchement. Si l'un de vos enfants, je crois que vous avez tous et toutes des garçons, si l'un de vos enfants vous disait qu'il était amoureux d'un garçon... C'est pas beau que ça arrivera. Ouais, j'ai su les éduquer, mes enfants. Et ils savent quoi faire de leur pin. La finesse. Bravo, ça. Excellent. Oh, mais quand même, Et toi, Françoise? Et toi, Françoise, très franchement, c'est quoi le plus important pour toi? C'est le bonheur de tes enfants ou c'est leur orientation sexuelle? Sarah essaye d'avoir une discussion. Alors, On fait des blagues. Non, mais c'est pour rigoler. Hein. Mais non, mais on sait que tu es sensible à ça, hein. On sait que tu es sensible à l'humour et tout ça, mais c'est juste pour rigoler. Hein. Bien sûr, tu sais bien qu'il n'y a pas de problème avec ça. Bien sûr, c'est important, et Sarah, que mes enfants soient heureux, mais je veux dire quand même, non, dans le monde dans lequel on vit, je suis désolée, aujourd'hui, je ne leur souhaite pas d'être homosexuel ni à l'un ni à l'autre. Hein. Moi, je leur souhaite plutôt de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir vivre sans avoir le regard des gens sur eux. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que je souhaite à mes enfants aujourd'hui. Ok, donc tu préfères que tes enfants ne soient pas heureux dans leur vie, mais qu'ils aient une orientation sexuelle normée dans la société, quoi. Bah, quand on voit ce que ça a donné en Grèce, on sait d'où ça vient. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en Grèce, là. Tu vois, on parle de nous, de notre quotidien. On verra bien ce que la France, elle va devenir. Non, mais bien sûr, on sait que ça existe. C'est pas ça le problème. Mais on préfère que nos enfants, ils soient heureux avec quelqu'un d'autre sexe, c'est tout. C'est normal quoi, de souhaiter le meilleur pour ses enfants. C'est quand même pas... tu vas pas dire que c'est normal, quand même. Bon, en tout cas, c'est sûr, je me pose la question. On n'est pas tous fans de Madonna, quoi. Je veux dire, à un moment, faut arrêter, quoi. En tout cas, quand je regarde tous les enfants là-bas qui jouent sous le sapin, et ben très franchement, j'ai assez peur pour eux, en fait, de ce qui peut advenir là dans leur vie par rapport au positionnement que vous avez, quoi. Vraiment. Oh, on peut pas parler avec toi. Oh, les grands mots, les grands discours, ça va. La morale. On va être élevé comme ça, on n'est pas malheureux, hein. Et alors, on... ça. Ouais, non, moi, ça va bien, un petit calva, là, non. Peut-être qu'on peut passer au Dijon, non? Un petit digestif. Allez, Dijon. Sarah, la twine, hein, la Mirabelle, la foire. Bon, bah voilà, je me suis craqué, c'est la loose. Fin de soirée, tout le monde est bourré. Comme quoi, il y a des sujets qu'il faut éviter. Et erreur fatale, partir sur la question de la morale avec la famille, fallait surtout pas faire ça. Bon, bah c'est pas grave, on peut pas gagner sur tous les fronts, quoi. Joyeux Noël! Noël, joyeux Noël, bon baiser de fort.